toujours de Volmar à Saint-Preux. Julie, après avoir affirmé qu'elle a vécu et qu'elle meurt dans la communion protestante, qui tire son unique règle de l'écriture sainte et de la raison, et qu'elle a toujours cherché sincèrement et d'une intention toujours pure, elle explique à ce pasteur l'état présent de son âme. Quant à la préparation à la mort, monsieur, elle est faite. Mal, il est vrai, mais de mon mieux. Et du mieux du moins, que je ne la pourrais faire à présent. J'ai tâché de ne pas attendre, pour remplir cet important devoir, que j'en fusse incapable. Je priais, en santé. Maintenant, je me résigne. La prière du malade est la patience. La préparation à la mort est une bonne vie. Je n'en connais point d'autre. Quand je conversais avec vous, quand je me recueillais, seul, quand je m'efforçais de remplir les devoirs que Dieu m'impose, c'est alors que je me disposais à paraître devant lui. C'est alors que je l'adorais de toutes les forces qu'il m'a données. Que ferais-je aujourd'hui que je les ai perdues? Mon âme aliénée est-elle en état de s'élever à lui? Ses restes, d'une vie à demi éteinte, absorbés par la souffrance, sont-ils dignes de lui être offerts? Non, monsieur, il ne me les laisse pour être donné à ce qu'il m'a fait aimer et qu'il veut que je quitte. Je leur fais mes adieux pour aller à lui. C'est d'eux qu'il faut que je m'occupe. Bientôt, je m'occuperai de lui seul. Ô grand être, être éternel, suprême intelligence, source de vie et de félicité, créateur, conservateur, père de l'homme et roi de la nature, Dieu très puissant, très bon, dont je ne doutais jamais un moment et sous les yeux duquel j'aimais toujours à vivre, je le sais, je m'en réjouis, je vais paraître devant ton trône. Dans peu de jours, mon âme, libre de sa dépouille, commencera de t'offrir plus dignement cet immortel hommage qui doit faire mon bonheur durant l'éternité. Je compte pour rien tout ce que je serai jusqu'à ce moment. Mon corps vit encore, mais ma vie morale est finie. Je suis au bout de ma carrière et déjà jugé sur le passé. Souffrir et mourir est tout ce qui me reste à faire. C'est l'affaire de la nature. Mais moi, j'ai tâché de vivre de manière à n'avoir pas besoin de songer à la mort. Et maintenant qu'elle approche, je la vois venir sans effroi. Qui s'endort dans le sein d'un père n'est pas en souci du réveil. Ce discours, prononcé d'abord d'un ton grave et posé, puis avec plus d'accent et d'une voix plus élevée, fit sur tous les assistants, sans m'en accepter, une impression d'autant plus vive que les yeux de celle qui le prononça brillaient d'un feu surnaturel. Un nouvel éclat animait son teint. Elle paraissait rayonnante. Est-ce qu'il y a quelque chose au monde qui mérite le nom de céleste? C'était son visage tandis qu'elle parlait. Le pasteur lui-même est convaincu, transporté. Il reconnaît la véritable foi, celle qui fait aimer Dieu, bien différente de certaines pratiques des catholiques. Cet état d'effroi où l'Église aime à ployer le mourant pour avoir meilleur marché de sa bourse. Religion vénale, dit Julie, qui vend le paradis aux riches et porte jusque dans l'autre monde l'injuste inégalité qui règne dans celui-ci.